chapitre 24, ce qu'on lit dans la main. On emmena le malheureux que la souffrance d'amour avait accablé, dont la raison s'était éteinte. Au lieu de le reconduire en prison, le docteur Robert le fit entrer aussitôt dans un asile d'aliénés. Paulin Broquet était très touché de cette conclusion inattendue de la confrontation. Il s'en accusait, se déclarait cruel. « Non, lui dit le docteur Robert, il n'y a aucune cruauté, aucune inhumanité de votre part. Cette confrontation, cette reconnaissance du corps était en somme sinon indispensable, du moins nécessaire pour les besoins de la cause que vous savez. Je le croyais. Vous avez pris toutes les précautions que la charité humaine demandait que vous prissiez, donc votre conscience de demeurer calme et hors de toute inquiétude. Vous ne pouviez prévoir, personne ne le pouvait, cette fin tragique. Non, en effet, c'est la première fois que je vois un cas pareil se produire. Mais néanmoins, je me demande si, pour le besoin de mon service, je n'ai pas été trop loin, pas dépassé les bornes permises. » Le docteur Robert répondit, « Rassurez-vous. Du moment que votre bon sens, votre expérience vous conseillait de le faire, et que vous l'avez fait, vous demeuriez dans les limites justes et loyales, et j'ajoute humaines, de vos attributions. Je comptais beaucoup sur les révélations que la colère, l'indignation, la soif de vengeance aurait poussé Gaston Soclet à nous faire, et voyez le triste résultat. Non, mon ami, voyons ce malheureux. S'il était passé aux assises, qu'aurait-il eu? Travaux forcés à perpétuité, sans doute. Bon, une vie de torture, de souffrance morale et physique, un long martyr, oui. À votre avis, cet homme était en somme moins coupable qu'il ne paraissait de fait. Assurément, je le considère comme la proie de Zigomar et l'esclave de son amour pour Carmen d'Amata. C'est par amour qu'il a commis tous ses méfaits, par amour qu'il a participé à tous ses crimes. Il a beaucoup aimé, il lui est beaucoup pardonné. Et la justice divine a eu pitié de ce malheureux. Elle ne pouvait l'acquitter, elle ne pouvait le frapper. Elle l'a annihilé. Et Gaston Soclet, qui par amour a commis ses fautes, est par l'amour délivré de la vie réelle, comme si le couperet s'était abattu sur lui. Il vit, il respire, il pense à sa Carmen. Mais si son cœur bat encore, son âme est morte. Paulin Broquet, cependant, laissa passer quelques jours après ces événements, puis il dit à ses lieutenants « Mes garçons, ne nous endormons pas. Les Zigomar sont bien entamés, il faut marcher encore. J'ai besoin à toute force d'éclairer certains points, et je compte beaucoup sur les déclarations de cette Madame Verdier, la maîtresse de la dévouée Julie. Donc, l'amorce, tu vas aller prendre encore quelques prises de tabac à nez avec ta brave amie, et des verres de rikiki. Tu lui diras que Madame Roulet, la chiromancienne, viendra la voir après-demain soir. Entendu, chef. Moi, je m'arrangerai avec Madame Roulet. Je lui dirai quelles questions elle doit poser de préférence. J'en fais mon affaire. » Le surlendemain, donc, vers 9 heures du soir, Madame Roulet se présentait chez Madame Verdier, qui, tout émue, attendait avec une vive impatience la visite de cette femme, dont elle pensait avoir des révélations terribles ou des consolations et des paroles d'espérance. La chiromancienne, Madame Roulet, était une femme d'un certain âge, assez forte, mais voûtée. Elle était vêtue d'une jupe à la mode d'il y a 30 ans, d'un paletot à basque passé sur un caraco de finette. Un chapeau mal posé sur le haut d'un chignon bien tiré, mais peu fourni, rabattait ses bords sur les frisettes grises qui couvraient les joues de leurs tire-bouchons folâtres. Madame Roulet portait des lunettes d'écaille. Au cou, elle arborait, pour retenir un col tuoté, un gros médaillon en doublé, contenant le portrait, en buste et de profil, d'un militaire, avec ses décorations, son sabre et de terribles moustaches. C'était le portrait de M. Roulet, capitaine d'administration, mort au service du pays, subitement, devant son bureau, laissant Mme Roulet veuve avant l'âge et inconsolable, selon son expression. Ses mains, ornées de mitaines, tenaient un petit sac de cuir carré à fermoir de nickel renfermant son attirail de devineresse, les cartes, les tarots. Recommandée à Julie par le monsieur au rikiki, Madame Roulet fut très bien accueillie. Julie l'introduisit auprès de Madame Verdier, prévenue, qui l'attendait avec une curieuse impatience. Madame Verdier se tenait dans un grand fauteuil appuyé à des oreillers, se surveillant pour bouger le moins possible, car le moindre mouvement la faisait beaucoup souffrir. Madame Roulet prit le siège que lui avançait Julie, en face de son infortunée maîtresse. À la clarté de la lampe que tamisait un abat-jour vert, Madame Roulet examinait à travers ses lunettes d'écaille très attentivement Madame Verdier. « Ah, madame, lui dit la malade, vous voyez une malheureuse infirme à qui la vie n'a pas prodigué ses sourires. » Mais Madame Roulet interrompit la malade. « Madame, ne me dites rien, c'est moi qui dois parler. Tout ce que vous me diriez, je le verrai, et je verrai tout ce que nul autre que moi ne pourra vous dire. » Madame Verdier était maigre, ridée, plus vieille de beaucoup que son âge réel. Elle portait les marques de la souffrance physique et morale. C'était un pauvre être de douleur, une victime de la vie. Cependant, les yeux étaient bons encore et dénotaient la tendresse, la faiblesse, la crainte. Elle se sentit immédiatement confiante, heureuse de trouver en sa détresse quelqu'un qui s'intéressa à elle, qui lui parla d'avenir et d'espoir. Même ce qu'on lui dirait serait pur mensonge. Elle tendit sa main gauche ridée et osseuse à la chiromancienne, qui voulait lire dans sa main avant de faire les cartes. Madame Roulet la prit et, rapprochant la lampe, examina cette main où les os du squelette apparaissaient déjà, puis parla. « Ah, madame, commença-t-elle, voilà une main qui indique beaucoup moins de tête que de cœur. Vous avez été toujours sous la dépendance de ceux qui vous entouraient. Vous avez beaucoup aimé et incessamment souffert. Votre cœur a fait le malheur de votre vie. Comme c'est vrai, murmura Madame Verdier. Madame Roulet étudia encore la main et reprit. Vous avez eu autrefois une affection, de votre côté très sincère, de l'autre beaucoup moins, pour ne pas dire pas du tout. Ah, vous aimiez, vous, mais on ne vous aimait pas. Vous étiez jeune, jolie, et c'était tout ce qu'on voulait voir en vous. L'affection que vous manifestiez, votre sincérité, votre dévouement, n'ont pas retenu une seconde celui à qui vous pensiez que votre vie était à jamais engagée. Cet homme n'était qu'un être absolument personnel, très égoïste, un arriviste, qui ne s'embarrassait de rien et brisait tout pour arriver à son but. Cet homme avait une grande intelligence, mais pas un atome de cœur. Madame Verdier frissonnait en entendant ces mots. « Vous avez eu un enfant ?»« Oui, madame. Je le vois, un garçon. C'est cela. Ne me le dites pas. Je le lis là, dans cette ligne. Un garçon qui, c'est singulier, me semble avoir tenu plus du père que de la mère. « Hélas, hélas !» murmura la malade. « Ne me dites rien, je vois tout. Le garçon est comme le père, un ambitieux, un égoïste implacable. Il aime l'argent, la grande vie. Et pour répondre à son ambition, pour faire face à ses besoins d'argent, il est capable de toutes les audaces. Oui, madame, si je ne craignais de vous blesser, je vous dirais que ce fils peut aller jusqu'au crime. » L'infirme ne dit rien, mais elle réprima un sanglot. Désormais, elle appartenait à cette chiromancienne qui lisait de cette surprenante façon dans sa pauvre main si maigre et si ridée, mais où vraiment la souffrance de la vie semblait douloureusement tracée. Puisque cette devineresse lisait tant de choses dans sa main, puisqu'elle voyait tout son passé, que rien ne lui échappait, Madame Verdier ne chercha pas à s'entourer devant elle d'un mystère qu'eût été facilement percé à jour. Heureuse en même temps de rencontrer une femme qui, la connaissant, pénétrant ainsi dans sa vie, pourrait par conséquent la comprendre, elle se sentait comme une amie de longue date. L'heure des confidences allait fatalement sonner bientôt. Madame Roulet reprit pour en rendre sa venue plus certaine, plus prompte. « Ah, madame, je vois une rupture brusque, un changement subi de situation, et comme un divorce. Là, tenez, cette ligne, coupée par une autre. Une séparation il y a 30 ans, 35 ans, c'est exact. Cependant, si cela ne vous fâche pas, je vous dirais que cette rupture, malgré le fils que vous avez, n'indique pas la rupture d'une union légitime. Vous n'étiez pas mariée. » Madame Roulet tressaillit. « Vous êtes donc le diable, madame, s'écria-t-elle, pour deviner tout cela. Non, madame, mais la vie de chacun est inscrite dans la main comme dans un livre. Il s'agit seulement de savoir lire. » Puis elle ajouta. « Voulez-vous que je lise encore dans la vôtre ? » ?»« Oui, bon. Tenez, je vois ici dans Mercure, Dieu d'argent, cette croix qui indique, reliée à la coupure de la ligne de tête, que celui qui vous a abandonné l'a fait pour une question d'argent. C'était un homme d'affaires, un financier, un banquier. » De nouveau, Madame Verdier frissonna. « Oui, oui, fit-elle, oui, c'est cela. Oh, madame, madame, qui savait lire le passé, pouvez-vous aussi voir l'avenir ? » ?»« Peut-être, donnez-moi encore votre main. » La malade essuya sa main moite de fièvre d'un mouvement rapide avec son mouchoir, puis la tendit à Madame Roulet qui reprit. « Vous êtes très malheureuse en ce moment, mais l'avenir changera tout. Vous croyez? Me suis-je trompé jusqu'à présent? Non. Alors je continue. Vous êtes sous la domination de deux personnes, deux hommes qui vous ont tenu esclave toute votre vie. Ils vous menacent. Mais vous allez leur échapper. Vraiment? Comment? Il ne faut pas m'en demander plus que je ne peux voir. Je sais seulement, et de cela vous pouvez être certaine, je sais que vous allez vous trouver délivrée, et que vous aurez enfin quelque temps de repos, de tranquillité, de bien-être. Ah, si ça pouvait arriver! C'est marqué, madame. Très marqué, ça arrivera. Ah, que vous me rendez heureuse, que vous me faites du bien. Oui, ça doit arriver, puisque vous le dites, puisque tout ce que vous m'avez dit du passé est exact. Et les confidences ne tardèrent pas à se faire. Il me semble, dit madame Verdier, que nous sommes de vieilles amies, que vous savez tout de mon passé douloureux, et je suis bien contente de pouvoir en parler avec vous. Alors madame Verdier dit à la chiromancienne, vous l'avez bien vu dans ma main. J'étais jeune, jolie, j'avais à peine 20 ans, quand j'ai rencontré celui qui devait être le père de mon fils. J'étais au théâtre, je chantais l'opérette. J'avais, je peux le dire, encore quelques succès. Mon frère était aussi au théâtre, il chantait les barytons. Nous sommes des enfants de la balle, des fils d'artistes. C'est mon frère qui me présenta un jeune banquier qu'il connaissait, et c'est lui qui prépara tout ce qui se passa forcément ensuite. Je vois ça. Inutile de vous dire qu'après m'avoir jeté dans les bras de son ami le banquier, il lui fit une scène terrible, criant à l'infamie, à la trahison, au déshonneur. Puis, il se fit verser pour prix de son silence et de sa tranquillité une assez forte somme d'argent. Je m'appelai alors au théâtre Rosine Verdier. Mon amant d'abord sembla m'aimer beaucoup. Je le crus, tout au moins. Il me fit de beaux cadeaux, me donna de l'argent que mon frère allait, affirmait-il, bien placé, et que je n'ai jamais revu. Je comprends. Pendant 1 an, j'ai vécu assez heureuse avec mon amant. Puis, comme j'allais mettre au monde mon fils, 2 mois avant cette naissance, mon amant ne vint pas comme d'habitude me voir. Pendant quelques jours, il fut sans se montrer. Enfin, j'ai reçu une lettre contenant un chèque assez élevé, des regrets et des adieux. Cela arrive presque toujours ainsi. Mon amant venait de se marier. Vous ne l'avez plus revu? Non. Il ne vous a plus donné de ses nouvelles? Non. C'est-à-dire que mon frère, apprenant ce mariage, n'a pas voulu se contenter de ce chèque de rupture. Sous le prétexte de ne pouvoir élever l'enfant, il est allé maintes et maintes fois forcer, avec la menace d'un scandale, mon amant à lui verser de l'argent. C'est seulement en payant que le banquier effrayé obtenait la tranquillité. C'est ce qu'on appelle le chantage. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et le père de mon fils, mais mon frère n'osa plus se présenter lui-même à la banque. Alors il me faisait écrire. Moi, j'avais tout rompu avec cet homme. Je restais avec mon chagrin et mon fils, essayant de refaire ma vie. Mon frère me forçait d'écrire. J'ai dû demander ainsi, je ne sais combien de fois, des sommes très fortes au banquier, qui toujours répondait 2 jours après. Moi, je n'ai jamais rien touché. C'est mon frère qui recevait chez moi, pour moi, le pli chargé. Il empochait l'argent et me laissait à peine de quoi vivre. C'était déjà joli de sa part. Le chagrin, peu à peu, la honte, me firent tomber malade. Mon frère finit par me séquestrer. Il avait peur que j'écrive au banquier et lui dise la vérité. Alors il m'enfermait chez moi et me surveillait, ou me faisait garder par mon fils, par votre fils. C'est mon frère qui l'a élevé. Moi, j'étais trop malade pour m'occuper de l'enfant et toujours tenu par mes douleurs. Mon frère a élevé, selon ses idées, mon fils, qui, n'ayant pas une bonne nature, est devenu le digne neveu de son oncle. C'est épouvantable, je vous plains bien, madame. Que font-ils? Que deviennent-ils? Comment vivent-ils? Je n'en sais rien. Je suis depuis de longues années enfermé dans ma chambre, sans pouvoir sortir. Je ne sais rien de ce qui se passe dehors, et je vis, dans cette angoisse continuelle, que j'apprendrai un jour que mon fils est un criminel, qu'il a été arrêté, et ça, madame, ça me tue petit à petit. Madame Roulet dit alors, interrompant la malade, « Dans ce cas, ma pauvre dame, vous avez dû avoir, il y a quelques mois, une grande émotion, un redoublement de terreur. Pourquoi? Parce que le banquier Montreuil a été assassiné. » L'infirme, malgré ses douleurs, se dressa d'un coup sur ses pieds, qui depuis longtemps n'avaient pas supporté le poids de son corps. Elle s'écria, « Montreuil? Le banquier Montreuil? C'était mon amant. Montreuil est le père de mon fils. Assassiné? Il a été assassiné? » Alors, étendant ses mains tremblantes, elle dit, affolée, « Ils l'ont assassiné. » Mais à ce moment, la porte s'ouvrit. Un homme parut et d'un bond entra dans la chambre. « Lui? Mon frère ?» cria l'infirme épouvanté. L'homme saisit violemment au cou la pauvre femme. « Tu as trop parlé, toi !»« Le baron Dupont !» fit la chiromancienne, se précipitant au secours de l'infirme. « Et toi, Paulin Broquet ?» dit une voix derrière la pseudo-devineresse. « Tu en as trop entendu. »« Zigomard ?» s'écria Paulin Broquet. « Zigomard ?» Mais comme il se retournait, il reçut sur la tête, avant d'avoir pu le parer, un formidable coup de massue. Et perdant le sang par la bouche, le nez, sans connaissance, inerte, Paulin Broquet s'écroula sur le parquet à côté du corps de l'infirme que cette entrée inattendue du frère et du fils venait de tuer.